En disant ça, je parle à la fois de mon écriture et de mon style. Dans chacune de ses lettres, il me dit « Comme tu écris bien, ma chère Valérie. » Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas l'habitude d'écrire beaucoup. À la maison, nous n'écrivons que très rarement. En lisant les lettres de Georges, j'ai compris que quelque chose a changé dans ma vie. Depuis lundi, je m'ennuie. Depuis qu'il est parti, j'ai envie de ne rien faire. Depuis qu'il n'est plus à la réception de l'hôtel, je sens que quelque chose me manque. En passant devant son bureau, je me sens toute triste. Georges me manque beaucoup. J'espère que je lui manque un peu aussi. J'ai rencontré un de ses amis qui m'a immédiatement invité à aller au cinéma. Je n'ai été au cinéma que deux fois depuis que je suis à Paris. Mes parents m'y ont emmenée, en arrivant, pour voir un film qui m'a beaucoup plu. On donne de bien beaux films à Paris en ce moment. Ce soir, Georges revient. Je vais aller le chercher à la gare.